Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 59. De la volonté des anges. Si les anges ont le libre arbitre. 1. Les anges ont-ils la volonté? Il n'est pas douteux que les anges aient la volonté. Tous les êtres inclinent au bien selon leur nature, les uns, comme les plantes, par une inclination purement naturelle qui s'appelle appétit naturel. D'autres y tendent avec une certaine connaissance, et leur inclination se nomme appétit sensitif. D'autres enfin aspirent au bien universel même avec la connaissance propre à l'intelligence, et non plus seulement sous la direction de quelqu'un ou uniquement par l'attrait d'un bien particulier. Leur inclination porte le nom de volonté. Puisque les anges connaissent par leur intelligence le bien universel, il est évident qu'ils ont la volonté. 2. La volonté des anges diffère-t-elle de leur intelligence? Il ne faut pas confondre la volonté des anges avec leur intelligence. D'abord, l'intelligence connaît le bien et le mal, tandis que la volonté des bons anges n'a pour objet que le bien. Ces deux facultés, chez les anges, diffèrent donc l'une de l'autre. Ensuite, l'intelligence attire à elle l'objet extérieur, la volonté se porte, au contraire, vers lui. Or, la faculté qui reçoit en elle les choses extérieures est nécessairement autre que la faculté qui sort en quelque sorte de son être pour se porter vers les objets du dehors. Donc, dans l'ange, ainsi que dans toute créature, la volonté se distingue de l'intelligence. 3. Les anges ont-ils le libre arbitre? Le libre arbitre fait la dignité de l'homme. Les anges surpassent l'homme en dignité, donc ils ont le libre arbitre. Il y a des êtres qui n'ont aucun libre arbitre, ceux-là agissent sous l'action et l'impulsion des autres, comme la flèche qui est conduite à un but par la main de l'archer. Il en est d'autres qui agissent avec spontanéité, mais non avec liberté, tels sont les animaux irraisonnables. La brebis fuit le loup par un certain jugement qui le lui montre comme nuisible, mais ce jugement n'est pas libre, il est imposé par la nature. Les êtres doués d'intelligence agissent seuls avec le libre arbitre, car seuls ils connaissent la nature générale du bien, par laquelle ils peuvent juger que telle chose est meilleure que telle autre. Le libre arbitre accompagne l'intelligence. Il est, conséquemment, dans les anges plus excellemment que dans les hommes, dont l'intelligence est moins parfaite. 4. Les anges ont-ils la faculté irascible et la faculté concupiscible? La faculté irascible et la faculté concupiscible sont dans la partie sensitive de l'âme. Les anges n'ont pas cette partie de notre nature, ainsi, ils n'ont ni la puissance irascible ni la puissance concupiscible. L'appétit intellectif dont ils jouissent ne peut se diviser en faculté irascible ni en faculté concupiscible. L'appétit sensitif souffre seul cette division. Leur appétit intellectif reste donc indivisé sous le nom de volonté. On attribue la colère et la concupiscence aux démons que dans un sens figuré. Les anges n'ont point de passion. La tempérance et la force signifient, dans les bons, la conformité de leur volonté à la loi divine et leur fermeté à exécuter les ordres de Dieu. Tout se fait chez eux par la volonté, et non au moyen de la puissance irascible ou de la puissance concupiscible. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.